L'affaire du coffret. 56e. مهمة نادية كانت التفاوض مع اللصوص. لم يعجبني ذلك أبدا. مضت 3 ساعات على خروج نادية لرؤية فابيو الوسيط مع اللصوص، ونحن لا نفعل شيئا سوى الانتظار. نادية اي بارتي. 3 heures. Calmez-vous, Lucas. Ah, voilà Nadia. Salut tout le monde. Ça y est, j'ai un rendez-vous. Bravo, jeune fille. Etienne, Anne, venez avec nous. Alors, j'ai l'enregistrement. Écoutez. Alors, le blé. La photo d'abord. Pardon, c'est quoi le blé? C'est de l'argot. Le blé, c'est l'argent. Ah, فهمت. الحنطة. وهو مصطلح عامي ويعني النقود. Fabio m'a montré la photo des objets et je lui ai donné les 20 000 euros. Voilà l'argent. 20 000? Va chez Anne et fais attention à toi. Quand elle est partie, elle a donné l'argent et elle n'a rien dit. Quoi? Vous avez 20 000 euros? Tout va bien. Tu as l'argent. Lucas, ça y est, j'ai l'argent. On va le donner tout de suite au commissaire Jeannette. Fabio m'a montré la photo des objets et je lui ai donné les 20 000 euros. Tu les lui as donnés. D'accord. Alors, le blé. La photo d'abord. Futée, la meuf. Allez, la voilà. Oui, c'est bien ça. Le coffret, la bague avec les initiales GS, AM. Voilà l'argent. Ok. Alors, 18, 19 et 20. Dimanche, à la même heure. Je cause au patron. Tu piges ? Dimanche, à l'Ahad. À la même heure ? Nadia a rencontré Fabio à 4h30. Dimanche, elle verra le patron, le chef des voleurs, pour le coffret, à 4h30 aussi, à la même heure. Mais Fabio va parler avec le patron d'abord. Et puis ? Dimanche, Nadia rachète le coffret. Je n'aime pas ça. Moi aussi. Pardon, moi non plus. C'est quoi, tu piges? Ça veut dire, tu comprends. Bon, il est tard. Oh là là, 8h moins le quart. Oh, le rendez-vous avec le patron est dans 3 jours, nous avons le temps. Alors, à demain, fiston. D'accord, à demain. المحقق جانو طريف جدا. Dimanche, elle verra le patron, le chef des voleurs, pour le coffret. إذن نادية ستشتري العلبة من زعيم العصابة يوم الأحد في الساعة نفسها، أي dans 3 jours. ليس لدينا سوى الانتظار. À suivre.